réussi un exploit de traverser le lac Saint-Jean dans un temps de 9h10. Il a mentionné que c'était un rêve pour lui de traverser le lac Saint-Jean. C'est évidemment Pierre Lavoie que tout le monde connaît au sein du lac Saint-Jean et un peu partout au Québec. Et on va lui parler comment il a trouvé son expérience. Salut Pierre! Ça va bien. Salut, oui, ça va bien. Pierre, comment tu as trouvé cette expérience-là? Bien, premièrement, difficile. OK. L'entraînement, c'est difficile. Bien entendu, l'épreuve, j'ai trouvé ça quand même assez facile jusqu'au 20e kilomètre. Puis après, bon, la fatigue s'est installée, le mal d'épaule, j'ai des hauts de cœur et là, c'était plus difficile pour les 10 derniers. Mais bon, je me suis accroché puis j'ai pu terminer quand même sous les 10 heures. Mais j'étais vraiment parti au départ. Dans les 15 premiers kilomètres, là, je dangeais pour sous les 8 heures. Finalement, bon, je suis bien content là, d'avoir complété l'épreuve. Je suis très satisfait. Okay. Est-ce que c'était plus dur que tu t'imaginais? Oui, définitivement. Ouais. D'ailleurs, je l'avais dit que beaucoup d'espoir pour les nageurs de la traversée du lac, ce sont des super athlètes. Puis, je leur lève mon chapeau, là. Ces gens-là, l'entraînement qu'ils doivent faire pour être prêts pour cette traversée, c'est les gens n'ont aucune idée, là. C'est vraiment beaucoup plus qu'on croit. Okay. Donc, j'ai beaucoup de respect parce que c'était vraiment difficile. Là. C'est une des épreuves les plus difficiles que j'ai faites. Plus dur qu'un Ironman encore? Oui, définitivement. Oui, oui. J'ai fait 31 Ironman. Okay. Je suis très bien placé pour le faire, pour le dire. Peut-être que les quoi qu'on a fait plus là, des Ironman. Puis, j'ai fait des Ironman de haut niveau, ouais. Là, donc à des niveaux professionnels. Puis la traversée du lac est plus difficile. Justement, dû aux 10 derniers kilomètres. Aller jusqu'à 20 kilomètres, je dirais que c'est comparable un peu au Ironman. Okay. Mais après, les 10 derniers, où là, on va vraiment dans nos réserves, là, ça ne va pas bien gérer l'avant. On a des problèmes. Donc, le refaire, j'ai pris beaucoup de notes. Hein, j'ai vu un peu mes erreurs. Ouais. C'est sûr que je ferais mieux, mais l'important pour moi, c'est d'arriver de l'autre côté. D'avoir vécu une belle expérience, c'était le cas. La population qui était là, les bateaux, il y avait des dizaines et des dizaines de bateaux autour de moi pour m'accompagner. Pour finir, j'ai trouvé ça vraiment une très okay. Pierre, faut dire aussi que c'était des conditions idéales. Tu sais, attends, comment l'eau, à peu près? Ah, l'eau, t'es à 72. 72, OK. En général. OK. Puis on n'a pas eu de vagues, sauf que peut-être vers la fin, les derniers kilomètres, il a commencé à avoir des vagues. Mais moi, je m'étais entraîné à la vague. Je souhaitais de la vague. Parce que quand j'ai de la vague, je trouve que je me bats contre quelque chose, le temps passe plus vite, ça me challenge. J'adore plonger en vague. OK, j'adore plonger en vague. Là, il n'y en a pas eu. OK. Donc, mais j'étais prêt pour la vague. Je m'étais vraiment préparé pour la vague. J'ai nagé pendant 2 semaines, là, tous les jours. Je fais des sorties 5 heures dans la vague. Donc, j'étais prêt à nager contre la vague. Mais il y avait presque. Est-ce que tu veux dire que. Si ça aurait été la vague, t'aurais probablement trouvé ça plus facile, s'il y aurait eu de la vague? Non, mais ouais, différent. Okay. Le temps passe plus vite, donc ton temps est pas meilleur. Mais ça change un peu ta position, tes bras rentrent différemment dans l'eau, tu vas kicker les pieds d'une façon différente, donc ça change le mal de place. Tandis que quand c'est une mer d'huile, t'as toujours la même position, donc ça vient que ça hule. Okay. Donc c'est toujours le fun, c'est comme aller courir sur l'asphalte ou aller courir en forêt. Cours quand même, mais courir en forêt, t'es toujours en train de changer de rythme, monter, descendre, tandis que courir sur la route, c'est égal, c'est pour ça qu'on souvent va se blesser sur la route, donc c'est moins monotone. OK. Je t'ai entendu dire à une autre antenne que t'as pensé beaucoup à tes enfants lorsque t'as frappé ton mur. Oui. Oui, parce qu'on s'accroche à des choses positives ou à des choses qu'on a vécues. Il fait en sorte qu'on dit qu'on n'a pas le droit d'abandonner. Moi, je reconnais que mes enfants ont vécu des choses pas faciles. Puis j'ai vécu avec eux. Puis ils sont tout le temps présents avec moi. Donc, quand j'ai besoin d'aide, je les appelle. Ouais. Puis là, ça faisait un petit bout de temps que je ne les avais pas appelés. Donc là, ils m'ont aidé pas mal. Okay. Pierre, t'as dit j'ai pris des notes. Et ce sera refaire. Quelle note que tu as pris? Bon, premièrement, je commençais une préparation beaucoup plus. J'étais vraiment en trop à la dernière minute. Okay. Non, je ne peux pas le faire avant. Là. Donc, je fais 6 mois de préparation. Tu t'es entraîné comment tu t'entraînais pour ça? J'ai commencé le 7 juillet. Ouf, OK. Donc, ça m'a donné pas beaucoup de temps. Hein. Ça m'a donné 8 semaines. Oui. Okay. Okay? Et là-dessus, je suis allé 11 jours en Europe où j'ai pas pu nager. Donc, et, j'ai manqué un peu de temps pour faire du volume. Ouais. Mais je me fie à mon expérience. J'étais capable quand même de faire un volume, mon corps le prenait. Mais j'ai manqué un peu de temps pour bien me préparer. Surtout, c'est la musculation. Il faudrait faire de la musculation pour augmenter ma masse musculaire du haut du corps, pour prendre peut-être une dizaine de livres, pour renforcer les épaules. Et donc, un 4 mois de musculation combiné ensuite avec un 6 mois de préparation en natation. À ce moment-là, je serais probablement que le rythme que je me suis donné au début, je serais capable de le maintenir jusqu'à la fin. Okay. Parce que là, c'est le musculaire qui a cédé, là. Parce que le musculaire était pas assez prêt pour faire 32. J'étais prêt pour 20, mais pas pour 32. OK. Est-ce que tu as pensé abandonner sérieusement? Non, jamais. Non, jamais? OK. Non. Regarde, moi, j'ai fait le tour des Monts Marins, où je cassais un ski, je m'arrêtais, je prenais un siot, je prenais mon ski en deux, je continuais, je cassais des bâtons, je continuais avec juste un bâton, je fais 2 fois le tour des Monts Marins avec un bâton seulement. Moi, j'ai un principe dans la vie, qu'il ne faut jamais abandonner. Peu importe ce qui arrive, okay. Sauf une blessure, bien entendu. Ouais. Là, tu vas moins vite, mais l'important, c'est de traverser la ligne. Okay. Parce que quand tu traverses la ligne, il faut que tu sentes que tu as donné ton 100%. C'est ça qui fait que tu es fier. Puis moi, je préfère arriver 15e, d'avoir donné mon 100% que de finir premier puis sentir qu'il m'en reste encore. Okay. Donc, c'était mon principe de vie. Moi, j'ai déjà, les plus grosses compétitions que j'ai faites, c'est des 2 fois 21 kilomètres, puis rendu au 17e, 18e kilomètre, c'est rien que l'orgueil qui nous tient, c'est justement le fait de ne pas abandonner puis de réussir. C'était ça qui t'a poussé, j'imagine, qui t'a poussé à continuer aussi? Ah, carrément. Ouais. Tu fais petites choses, là, tu penses à tes enfants, tu penses à ton oncle, le cancer, tu penses à un ami qui est derrière toi, Eric, tu sais qu'il est moins bon nageur que toi, mais qui est dans le même bassin, ça lui prend probablement 4-5 heures de plus que toi. Tu penses à Michel Dufour, qui lui est handicapé, qui est derrière toi, mais qui nage aussi à distance. C'est ça qui fait que tu continues, hein. Puis, tu t'arrêtes, tu lèves la tête, tu t'es ravitaillé. Il y a 60 bateaux qui crient après de continuer. Ben, tu leur mets la tête dans l'eau et tu continues. C'est ça qui fait qu'on s'accroche, hein. On va se nourrir de notre vécu et de l'environnement qui est autour de nous pour nous dire non, on continue. C'est sûr qu'on prend un broyer du noir pour dire non, c'est trop difficile, j'arrête. Non, ça, c'est pas dans mon livre. OK, OK. Bon, là, est-ce que tu veux le refaire l'an prochain ou est-ce que tu es encore trop tôt pour en parler? L'an prochain, oui, je veux le refaire. Je vais le refaire, mais à relais. OK, OK, OK. Est-ce que tu aimerais compétitionner avec dans le cadre de la traversée? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire éventuellement? Non, je trouve. Ouais, OK. Puis, j'ai plus okay. de temps. Mais là, aujourd'hui, là, je me suis dit à 4h30 du matin. Ouais. Je suis monté à Montréal, j'ai une conférence, un tournage dans une école. Puis là, je reviens au Saguenay ce soir, je reviens à Montréal demain, je remonte à Montréal un peu. Mais moi, j'ai plus de temps. OK. Je manque de temps. Et là, j'ai eu l'été, hein, j'ai une petite période pour me préparer. Okay. J'ai vu que c'était pas suffisant, j'ai réalisé pareil. Mais non. Mais quand je laisse tout ça à ces super athlètes, là, qui traversent le lac, là. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour eux. J'allais voir plusieurs arriver. Je vais continuer à les voir arriver. Et maintenant, moi, je savais que je les fais à distance. C'est pas trop facile. Écoute, on va baisser vis-à-vis ces super. Écoute, j'ai couvré, je fais quoi, 5-6 ans que je couvre la traversée, puis j'ai le courage de ces athlètes-là. Hein. Tu sais, c'est le plus difficile, ça vous le dire, c'est pas de faire la traversée. Ouais. C'est de s'entraîner pour la faire. Okay. C'est ça que je peux vous dire. Et les sacrifices, là, qu'on doit faire pour se préparer pour faire 32 km de nage, les gens ont aucune idée qu'est-ce que ça prend. Ouais. C'est beaucoup plus que ce que je croyais, moi, là. Je leur lève mon chapeau. Mm. Ces gens qui s'enlignent pour traverser du lac, le petit Sabrina, la voie de la région, le nombre d'heures qu'elle doit faire, je lève mon chapeau, là, ça demande une discipline. Et t'es seul avec toi-même, là, tu nages dans le lac, c'est noir, pas quand tu fais l'épreuve, il y a toute une dynamique, là, dans un événement, mais quand tu t'entraînes, il n'y a pas d'événement. Là, tu dois te danger, il y a 15-20 kilomètres. C'est longtemps. Effectivement. Pierre Lavoie, félicitations, et merci pour l'entrevue, puis au plaisir de te reparler peut-être dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Merci. Voilà, Pierre Lavoie qui a réussi sur 32 kilomètres en fin de semaine.